Je t'aime, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau. J'ai rêvé que de toi, t'es mon prince dans le château. Et quand je pars en guerre, tu te mets direct au front. L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds. Dans mon cœur y'a que toi, y'a de la place pour aucun autre. J'ai déménagé, les jaloux sont sur nos côtes. Je te suivrai partout, j'irai jusqu'en Alaska. Juste pour avoir froid et me blottir dans tes bras. C'est juste sérieux, je suis prête à tout pour toi. J'ai pas merci, c'est normal, c'est mon choix. C'est juste sérieux, je suis prête à tout pour toi. J'ai pas merci, c'est normal, c'est mon choix. Je t'aime ouf, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau. J'ai rêvé que de toi, t'es mon prince dans le château. Et quand je pars en guerre, tu te mets direct au front. L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds. Mon cœur est en détresse, y'a que toi qui peux calmer. Et si je crie SOS, c'est pour que tu viennes nous soigner. J'ai hâte de notre mariage, nos parents dans le cortège. Tu peux fermer les yeux, quoi qu'il arrive, je te protège. C'est juste sérieux, je suis prête à tout pour toi. Dis pas merci, c'est normal, c'est mon choix. C'est juste sérieux, je suis prête à tout pour toi. Dis pas merci, c'est normal, c'est mon choix. Je t'aime ouf, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau. J'ai rêvé que de toi, t'es mon prince dans le château. Et quand je pars en guerre, tu te mets direct au front. L'amour